50 languages. 75. 75. 75. إبدأ الأسباب. 1. Argumenter quelque chose. Argumenter quelque chose. 1. لما لا تأتي؟ Pourquoi ne venez-vous pas? Pourquoi ne venez-vous pas? الطقس جدا سيء. Le temps est trop mauvais. Le temps est trop mauvais. لن آتي لأن الطقس جدا سيء. Je ne viens pas parce que le temps est trop mauvais. Je ne viens pas parce que le temps est trop mauvais. Pourquoi ne vient-il pas? Pourquoi ne vient-il pas? Il n'est pas invité. Il n'est pas invité. Il ne vient pas parce qu'il n'est pas invité. Il ne vient pas parce qu'il n'est pas invité. وأنت لما لا تأتي؟ Pourquoi ne viens-tu pas? Pourquoi ne viens-tu pas? لا وقت لدي. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. لن آتي إذ لا وقت لدي. Je ne viens pas parce que je n'ai pas le temps. Je ne viens pas parce que je n'ai pas le temps. لما لا تبقى؟ Pourquoi ne restes-tu pas? Pourquoi ne restes-tu pas? علي متابعة العمل. Je dois encore travailler. Je dois encore travailler. لن أبقى إذا علي متابعة العمل. Je ne reste pas parce que je dois encore travailler. Je ne reste pas parce que je dois encore travailler. Pourquoi partez-vous déjà? Pourquoi partez-vous déjà? Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je pars déjà parce que je suis fatigué. Je pars déjà parce que je suis fatigué. Pourquoi partez-vous déjà? Pourquoi partez-vous déjà? Il est déjà tard. Il est déjà tard. Je pars déjà. Parce qu'il est déjà tard. Je pars déjà parce qu'il est déjà tard.